qui sont allés voir la même pièce. Alors, on a Julie Collin en studio. Bonjour Julie. Bonjour Jessica. Puis également Michel Bertrand au bout du fil, puisqu'il me semble qu'il est sur la route Québec-Montréal. Bonjour Michel. Salut Jessica. Alors, pour parler un petit peu du spectacle que vous êtes allé voir, c'était une première hier. J'aime Hydro était présenté au théâtre La Bordée, une série de représentations encore jusqu'au 9 décembre, si on veut se reprendre. Et je rappelle que au départ, J'aime Hydro, c'est un texte de Christine Beaulieu qui a travaillé fort pour ce spectacle. Bon, c'est le cas de tous les artistes, évidemment. Mais là, quand même, on parle plus de théâtre documentaire, Julie. Oui, tout à fait. Donc, un théâtre documentaire, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'elle nous explique vraiment le processus. Comment qu'elle a fait, elle, pour comment qu'elle en est venue à s'intéresser à Hydro-Québec, finalement, parce que c'est une citoyenne tout à fait classique, finalement, qui connaît pas nécessairement les enjeux, mais qui s'est fait approcher par Annabelle Soutard, qui est quelqu'un qui est vraiment impliqué au niveau du théâtre documentaire, et elle s'est laissée convaincre d'investiguer et d'essayer de comprendre, finalement, sans prendre parti, mais d'essayer de comprendre c'est quoi notre relation avec Hydro-Québec, puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, puis est-ce que Hydro nous appartient encore? Parce que Hydro, dans le fond, c'est une société d'État, donc ça devrait être à nous. Mais est-ce que c'est vraiment à nous? Est-ce qu'il y a des parties qui sont privées? C'est que c'est un peu tout ça, finalement, qu'elle amène comme questionnement. C'est, puis, dans le fond, tous les textes aussi qui se retrouvent dans la pièce, qui durent quand même près de 4 heures, faut se le dire. Oui, c'est long quand même, comme format. Ça a l'air long. Puis même, elle dit elle-même dans la pièce, elle dit, quand que je présentais ça aux gens, puis je disais, ah oui, je parle d'Hydro pendant 4 heures, les gens trouvent ça plate, mais en fait, c'est pas si long que ça. Ça a pas de l'air. Dans le fond, quand on le vit, c'est pas long comme ça. Ça a pas de l'air d'être genre, ah, ben, my God, ça finit à 11 heures le soir, là. C'est pas si pire que ça, parce qu'on rit vraiment beaucoup. Mais juste avant qu'on parte là-dessus, parce que la durée est quand même peut-être quelque chose qui va rebuter certaines personnes qui, au moment de réserver, se disent, oh non, 4 heures, c'est pas possible dans une salle. Toi, Michel, tu es comédien professionnel. Tu as peut-être un rapport différent aussi aux pièces longues, comme ça? Oui, mais je te dis que dans ce cas-ci, ça passe assez rapidement parce que c'est séparé en 5 épisodes dont les thèmes sont assez différents. Donc, c'est quelque chose qui est assez... C'est comme les chapitres, en fait. Fait que c'est pas... Ça paraît long quand on le lit dans le programme, mais ça passe là, très rapidement. Et surtout qu'il y a tellement d'informations, de choses qui arrivent sans arrêt qu'on voit pas le temps passer du tout. Bon, alors tout est une question de rythme aussi avec ces épisodes. Donc Julie, comment ça commence? C'est ça, il y a plusieurs épisodes. Comment ça commence? Moi, je suis curieuse de voir comment on nous plante le décor. Ben en fait, elle explique le processus qui l'a mené à créer ce spectacle-là finalement. C'est vraiment ça. Elle documente dans le fond comment qu'elle est arrivée à ça. Donc il y a quelqu'un un comédien. Qui est vraiment exceptionnel, faut le dire, le Mathieu Gosselin, qui fait une trentaine de personnages, qui interagit avec elle. Donc, c'est tous les personnages qu'elle a côtoyés, finalement, pendant tout le processus. Puis, c'est vraiment très bien documenté. Elle va nous le dire, mettons, telle activité, tel événement s'est passé en novembre 2015. Puis ça, c'est vraiment... Chacun des moments est vraiment précis. Elle nous présente aussi des vidéos, parce qu'elle est allée dans les... voyons, j'ai le nom sous la langue. Dans les consultations publiques, excusez-moi, c'est ça que je cherchais. Donc, dans les consultations publiques d'Hydro-Québec pour aller poser des questions, comme simple citoyenne et personne qui s'implique aussi par rapport à un projet de théâtre documentaire. Donc, elle est allée poser des questions, puis elle nous présente vraiment les vidéos. Elle a beaucoup d'autodérision, il y a des moments qui sont vraiment drôles, parce qu'il y a des moments où est-ce qu'elle s'est vraiment trompée, il y a des affaires... Oui, comme elle a amené à rencontre un réalisateur qui est vraiment très, très, très impliqué au niveau de l'écologie, de l'environnement, puis lui, il parle de la romaine, le chantier, et pour elle, la romaine, c'est de la salade. Oui, forcément. Donc, elle le dit, ben moi, pour moi, c'est de la salade, puis elle comprend pas trop. Là. C'est qu'elle nous parle de ces affaires-là. Dans le fond, elle rit d'elle, elle rit de tout le moment, dans le fond, qu'elle a appris tranquillement, pas vite, à développer son expertise dans Hydro-Québec. Puis maintenant, elle se demande vraiment à quoi ça va lui servir. À part quand même le spectacle, c'est ça? Oui, c'est ça. À part faire la pièce avec ça, puis la rendre accessible. C'est une pièce, oui, qui dure 4 heures en salle. Moi, c'est une pièce que j'avais entendu parler il y a déjà un bon moment, parce que ça avait commencé à Montréal. Il y avait les 3 premiers épisodes avant. Donc, c'est quelque chose que je connaissais déjà, puis que j'avais hâte qu'il arrive à Québec, puis que je puisse le voir. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Le J'aime Hydro a été présenté à guichet fermé le printemps dernier à Montréal, et également pendant tout l'été. Donc, comme tu le dis, dit, il y avait déjà des antécédents très intéressants. Il y a même eu une tournée à travers le Québec avec près de 25 représentations dans une quinzaine de villes. Donc, il était temps que le spectacle s'arrête à Québec dans le cadre d'une programmation régulière. Oui. Puis hier, il y avait vraiment plein de monde, là, c'était plein, là. Oui. Oh oui, parce que des fois, tu sais, tu te dis, ah, c'est dommage, il y a des gens qui sont pas venus ce soir, puis ça aurait pu être plus rempli. Ça arrive des fois que c'est décevant, tu te dis, la pièce est super bonne, puis pourquoi que les gens sont pas là? Mais hier, c'était plein. Donc, je sais pas pour les autres soirs. Je pense que le sujet était très fort. Oui, le sujet est très intéressant. Ça fait quand même un moment aussi qu'on en entend parler. Comme je dis, moi, j'en avais entendu parler déjà. Puis c'est vraiment, c'est important comme sujet. C'est une pièce qui est vraiment très dense. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dedans quand même. Puis quand je suis sortie de là hier, moi, je me disais, wow, j'ai envie de me renseigner sur Hydro. Ah oui, à ce point-là. Oui. Ben oui, parce que oui. D'accord. Je trouve que je connais pas assez ça. C'est qu'elle s'est vraiment posé des questions, puis elle a essayé de trouver des réponses. Elle en a trouvé quelques-unes. Mais pour moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus. D'approfondir, finalement. C'est ça. Mm. Puis c'est vraiment quelque chose pour elle qui est important qu'on soit conscientisé. La pièce, oui, elle est, on peut aller la voir à l'aborder jusqu'au 9 décembre. Relâche dimanche, lundi. C'est qu'on peut aller la voir jusqu'au 9 décembre, oui. Mais on peut aussi l'écouter, dans le fond, la version audio pendant la pièce. Si on va sur le site de Porte-Parole, oui, Jessica, tu me regardes avec des yeux un peu bizarres. Qu'est-ce que mais c'est? Mais hier, j'ai vu ça. Donc, hier, je l'ai partagé à certaines personnes, dans le fond, le lien pour l'écouter en direct. Et sinon, si vous voulez l'écouter en tout temps, dans le fond, les trois premiers épisodes sont disponibles sur Première Plus. D'accord. Donc, c'est vraiment une pièce qui est accessible parce qu'elle veut que le maximum de personnes entendent le contenu de cette pièce-là, finalement. Mm-hmm. Ben, en fait, pour préciser, parce que c'est d'où mes grands yeux, c'est que c'est une diffusion audio en direct. Donc, pour tous les gens qui ne sont pas dans la salle, si vous connectez à 19h sur le site porteparole.org, vous allez pouvoir écouter J'aime Hydro. Comme si vous étiez au théâtre, vous n'aurez donc pas l'image. Non, vous n'aurez pas l'image. Puis honnêtement, moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez voir un peu de qu'est-ce que ça a de l'air, écoutez-le. Peut-être, si vous n'êtes pas convaincu que ça vaut nécessairement le déplacement. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais vous allez vraiment manquer quelque chose parce qu'en personne, de voir la scène, la mise en scène, de voir les personnages, c'est vraiment intéressant. Là. Mm-hmm. C'est sûr que 4 heures de voir les gens versus 4 heures écouter un audio, c'est pas pareil non plus, on va se le dire. À moins que ce soit des gens qui soient habitués à écouter de la balado-diffusion, puis moi j'adore ça, mais c'est vrai que 4 heures sans arrêt, c'est plus difficile. Mais là, en fait, c'est vraiment comme si on était au théâtre. Puis je me renseignais un peu aussi sur le site internet Porte-Parole. C'est un site qui propose cette expérience avec d'autres pièces et d'autres projets aussi. Donc, vous pourrez explorer ça. C'est vraiment intéressant comme concept. Ça m'a rendu très curieuse. Mais Michel, peut-être tes impressions à toi sur le sujet Hydro, est-ce que c'est le sujet qui t'a attiré, la démarche, qu'est-ce qui t'a attiré au départ? Ben moi, c'est vraiment la démarche, parce que moi, en fait, éditeur documentaire, je suis en train d'en faire présentement avec Alexandre Presto dans un projet qu'on fait l'an prochain. Donc, toute la démarche, la recherche qui est faite sur ce thème-là, en fait, c'est pas la première fois que je vois un spectacle de porte-parole. J'avais vu Grain, la licorne, j'avais vu le partage des jeux. Donc, c'est vraiment quelque chose que je sais comment ça fonctionne, puis je vois assez souvent, je dirais. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que dans le spectacle, c'est qu'on voit Christine Beaulieu qui... en fait, c'est-à-dire que la moitié du spectacle, c'est Christine Beaulieu qui parle de sa démarche, de comment qu'elle a fait son projet. Et après ça, ben, on voit comment ça s'est déroulé, puis de fil en aiguille, elle rencontre une personne qui l'amène à l'autre personne, qui l'amène à l'autre personne. Donc, finalement, c'est tout un... Ça crée des réseaux, là. En fait, le fait qu'elle voit dans une consultation publique, ça fait un lien avec Hydro-Québec, elle peut rencontrer cette personne-là. Puis cette personne-là lui offre d'aller visiter la Romaine au bois de la baie James. Alors finalement, c'est ça qui fait que l'histoire se construit, tu sais. C'est sûr que ça a duré environ 3 ans, ce processus-là. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement important. Puis d'ailleurs, je suis tant souvenu d'ailleurs qu'elle a gagné, en fait, lundi soir, le prix du CAD, qui est le prix Michel Tremblay pour la meilleure œuvre dramatique en 2017. Donc, juste avant de présenter à l'aborder, elle venait de recevoir le prix qui récompense en fait le meilleur texte qui a été écrit au Québec dans la dernière année. Alors, je pense que, ben oui, c'est ça. Donc, elle est quand même très, très forte de toutes ces critiques qui sont derrière elle, en fait, qui accompagne. Ben, c'est vraiment une œuvre là, colossale au niveau théâtral, je trouve, présentement au Québec, qu'il faut aller voir. Mais juste pour me resituer, donc il y a 3 des 5 épisodes qui sont disponibles sur Première Plus, c'est ça que tu disais, Julie? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc si on veut voir la suite, encore une fois, il faut aller au théâtre. Ouais, c'est ça, les trois premiers dans le fond, parce qu'avant ça, la pièce, c'est comme ça qu'elle était, c'est les 3 premiers épisodes, puis les deux dans le fond, les épisodes 4 et 5 sont assez récents, finalement. Donc, c'est des ajouts. Peut-être qu'éventuellement, ils vont être sur Première Plus aussi, je ne sais pas. Je suis pas dans les secrets des dieux par rapport à ça, mais je sais que 1 à 3, ils sont là. D'accord. Bon, ben, je trouve que c'est non seulement une belle démarche pour le théâtre, ce genre de théâtre documentaire, de nous informer autrement avec l'art vivant, et en plus avec cette diffusion audio qui s'ajoute aux heures de représentation des spectacles sur porte-parole.org. C'est vraiment intéressant de voir jusqu'où le théâtre est capable d'aller encore aujourd'hui avec le numérique et la technologie. Donc, c'est vraiment très encourageant. Donc, si je comprends bien, Julie et Michel, vous êtes conquis. Il va falloir aller voir ce spectacle pour comprendre ce qui se passe avec Hydro. Oui, tout à fait. Moi, je le recommande absolument. Oui, Michel. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que pour rajouter un peu sur le théâtre documentaire, c'est que je trouve qu'il y a tellement de qu'on a plus besoin maintenant de la fiction. C'est pour parler de nous-mêmes. Souvent, le théâtre, c'est on invente des histoires pour parler de nous, alors que là, on parle vraiment du réel, qui parle du réel. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très proche de nous, surtout que c'est quelque chose, dans le fond, tu sais, le titre « J'aime Hydro », c'est la relation d'amour que les Québécois entretiennent ou tentent d'entretenir avec Hydro-Québec qui a fait en sorte que c'est, comme René Lévesque le disait au début du spectacle, qui est comme des vidéos, il dit c'est la seule énergie qui est renouvelable au Québec qui a fait en sorte qu'on est devenu maître chez nous grâce à ça. Et plus la pièce avance, plus on se rend compte que finalement, est-ce qu'on a encore besoin de tout ça, des barrages hydroélectriques au Québec? Mm-hmm. Je trouve que c'est un enjeu qui est assez important, puis je trouve que le théâtre documentaire permet de se questionner maintenant de ce qui se passe autour de nous. Alors, à voir jusqu'au 9 décembre. Michel Bertrand, merci beaucoup. Bonne route. Merci. Et Julie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, elle fait beaucoup le parallèle entre une relation amoureuse et sa relation avec Hydro. Donc, ah bon? Oui. Elle a trouvé ça. Oui, elle fait le parallèle entre les deux, dans le sens qu'elle dit que des fois, il y a des relations amoureuses où on se prend pour acquis. Puis qu'on n'essaie plus de se séduire, puis tout ça. Puis c'est vraiment le cas avec Hydro, finalement. Hydro, ben on est un peu prisonnier d'Hydro, finalement, pour l'instant. Moi, je peux pas dire, ah, ben non, mon électricité, je la prends ailleurs, dans le sens que c'est pas mal Hydro qui fait notre électricité dans la vie. On n'a pas trop le choix, oui. On n'a pas trop le choix. À part à l'énergie solaire. C'est ça. Puis dans le fond, ben tu sais, dont on est comme captifs d'eux, puis eux autres sont comme captifs de nous aussi, d'une certaine façon. C'est ça. C'est comme si on ne séduisait plus, qu'on prenait plus le temps, puis ça, mais il faut peut-être recommencer à. Justement, à se côtoyer un peu plus, puis à réapprendre à se connaître. Alors, ne vous laissez pas abattre, j'ai envie de dire, par les 3h40 présentées dans ce spectacle. Ça vaut vraiment la peine, selon nos chroniqueurs Julie Collin et Michel Bertrand. Prochaine représentation, donc, ce soir, 19h, à l'Abordée. J'ai l'impression qu'il reste encore des billets, alors c'est l'occasion de vous jeter dessus. Sinon, bah, vous avez jusqu'au 9 décembre, et on rappelle les relâches... C'est le dimanche et le lundi. Tout simplement. Merci beaucoup, Julie Collin.